Prenons un autre verbe gogo. Comment dit-on « je mets » ? Poner. Poner, c'est mettre. Mais « je mets », c'est ? Pongo. Pongo. Hein? Car « poner » est un verbe gogo. Donc « pongo », je mets. Et au passé, « j'ai mis » se dit « pousser ». Cette fois-ci, la voyelle qui prédomine, c'est un « u hein? ». Prononcé « u ». Donc, on passe de « poner » à « pousser ». Donc, j'ai mis « pousser ». P-U-S-E. Pousser. Pousser, encore une fois, c'est une forme du passé particulière, pour laquelle on n'accentue pas la terminaison, mais l'avant-dernière syllabe. Hein? Pousser. Et pour dire « il ou elle a mis », au passé sans plongeoir, on dira pousso. Pousso, hein? Oui, en effet, pousso. Donc, ils suivent tous le même schéma. Pousse et pousso. Alors, où est-ce que vous, hein, usted, l'avez mis, hein? Sans plongeoir. Donde lo puso? Donde lo puso? Hein? Et maintenant, comment dit-on pouvoir en espagnol? Poder. D'accord. Hein? Poder. Il se trouve que poder rejoint les verbes gogo au passé. Et donc, j'ai pu, au passé sans plongeoir, se dit pude. P-U-D-E. Pude. Donc, de la même manière que poner donnait pousser, poder donne pude. Hein? Avec le même U, hein, prononcé U, qui prédomine. Remarquez qu'on retrouve d'ailleurs ce U en français, hein, puisque le verbe pouvoir donne je pue, tu pues, il pue, nous pûmes, hein, etc. Hein. Alors, je n'ai pas pu le faire, hein, au passé sans plongeoir, se dira no lo pude. Encore une fois. No lo pude. Vous venez de dire je ne l'ai pas pu. Mais je vous ai demandé de dire je n'ai pas pu le faire. No pude hacerlo. No pude hacerlo. Hein? No pude hacerlo. Hein? Et il ou elle n'a pas pu le faire. Hein? No pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Hein? No pudo hacerlo. Donc, jusqu'ici, nous avons j'ai fait. Qui, au passé sans plongeoir, donne hice. Hice. Hein? Et j'ai dit, sans plongeoir, dije. Dije. Et j'ai voulu, sans plongeoir, quise. Quise. Hein? Je suis venu, sans plongeoir, c'est-à-dire, je vins. Ah oui, bine. Bine, hein? D'accord. Et puis, on a j'ai mis, qui se dit, sans plongeoir, pousser. Pousser. Hein? Et j'ai pu, sans plongeoir toujours, pude. Pude. Donc, en fait, on a seulement besoin de la première personne du singulier, hein, de la forme avec je, puisque pour les restes, ça suit le même schéma.